On peut comprendre en quelle humeur revint le baron chez madame Marneff. Il avait presque oublié qu'il était père, car Roger venait de faire un acte de vraie et bonne camaraderie en lui éclairant sa position. Néanmoins, telle était l'influence de Valérie, qu'au milieu du dîner, le baron se mit à l'unisson et devint d'autant plus gai qu'il avait plus de soucis à étouffer. Mais le malheureux ne se doutait pas que, dans cette soirée, il allait se trouver entre son bonheur et le danger signalé par le directeur du personnel, c'est-à-dire forcé d'opter entre madame Marneff et sa position. Vers 11 heures, au moment où la soirée atteignait à son apogée d'animation, car le salon était plein de monde, Valérie prit avec elle Hector dans un coin de son divan. « Mon bon vieux, lui dit-elle à l'oreille, ta fille s'est si fort irritée de ce que Venceslas vient ici, qu'elle l'a planté là. C'est une mauvaise tête, Cortense. Demande à Venceslas de voir la lettre que cette petite sotte lui a écrite. Cette séparation de deux amoureux, dont on veut que je sois la cause, peut me faire un tort inouï, car voilà la manière dont s'attaquent entre elles les femmes vertueuses. C'est un scandale que de jouer à la victime pour jeter le blâme sur une femme qui n'a d'autre tort que d'avoir une maison agréable. Si tu m'aimes, tu me disculperas en rapatriant les deux tourtereaux. Je ne tiens pas du tout, d'ailleurs, à recevoir ton gendre. C'est toi qui me l'as amené. Remporte-le. Si tu as de l'autorité dans la famille, il me semble que tu pourrais bien exiger de ta femme qu'elle fît ce raccommodement. Dis-lui de ma part à cette bonne vieille que si l'on me donne injustement le tort d'avoir brouillé un jeune ménage, de troubler l'union d'une famille, et de prendre à la fois le père et le gendre, je mériterai ma réputation en les tracassant à ma façon. Ne voilà-t-il pas Lisbeth qui parle de me quitter? Elle me préfère sa famille, je ne veux pas l'en blâmer. Elle ne reste ici, m'a-t-elle dit, que si les jeunes gens se raccommodent. Nous voilà propres, la dépense sera triplée ici. Oh, quant à cela, dit le marron en apprenant l'esclandre de sa fille, j'y mettrai bon ordre.